Quatrième partie, chapitre 9. Le mariage. Première section, nature du sacrement de mariage. Qu'est-ce que le sacrement de mariage? Le mariage est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ qui établit une union sainte et indissoluble entre l'homme et la femme et leur donne la grâce de s'aimer l'un l'autre saintement et d'élever chrétiennement leurs enfants. Par qui le mariage a-t-il été institué? Le mariage a été institué par Dieu lui-même au paradis terrestre, et dans le Nouveau Testament, il a été élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement. Le sacrement de mariage a-t-il quelque signification spéciale? Le sacrement de mariage signifie l'union indissoluble de Jésus-Christ avec la Sainte Église, son épouse et notre Mère très aimante. Pourquoi dit-on que le lien du mariage est indissoluble? On dit que le lien du mariage est indissoluble ou qu'il ne peut être brisé que par la mort d'un des époux, parce que Dieu l'a établi ainsi dès le commencement et que Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a à son tour solennellement proclamé. Dans le mariage chrétien, pourrait-on séparer le contrat du sacrement? Non, dans le mariage entre deux chrétiens, on ne peut séparer le contrat du sacrement parce que pour eux, le mariage n'est pas autre chose que le contrat naturel lui-même élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement. Entre les chrétiens, il ne peut donc y avoir de vrai mariage sans le sacrement. Entre les chrétiens, il ne peut y avoir de vrai mariage sans le sacrement. Quels effets produit le sacrement du mariage? Le sacrement du mariage, premièrement, donne un accroissement de grâce sanctifiante. Deuxièmement, confère la grâce spéciale pour remplir fidèlement tous les devoirs matrimoniaux.